écoute ça, mec. Docteur Théodore Dragon dans la place. C'est mon yoga, Orchol. Ici, je suis le gras. Le roi. Ici, d'ici, seulement misérable Kouchka. Mesto Rouchka, pour toi, chère pour Greka Kouchka. La drogue. Mes niggers sont astons, non si bif tes crevards. Je suis végétarien, c'est pour m'aider à mon chien. Précrise et gars, pour tout chemin. Bam bam, et pour mes amis, ram pam pam pam. Musique toute la nuit, on boira Kia de Atenissa. Dossa d'un Costenissa. Sadin, j'écoute le rap français, Zotudo va pesmissa. Mon raison de haha, Zachudité, pourquoi Capiram d'a rien n'est capira, je dis pas. Je suis docteur de moi, et ma tête est pour les snars. Kadi, vichme, j'y vais, d'un épice, j'y vais, il sait qu'on a crichqué, j'y vais. Kadi, vichme, j'y vais, d'un épice, j'y vais, il sait qu'on a crichqué, j'y vais. J'y vais, écoute ça, c'est malade. Oh! Je suis l'amour, vous êtes un. Toujours paré, t'es mon zen. Imam AK 47, tout le monde avance pour BM. Ça va baisser d'autres noms. Pardonnez-moi, Notre-Dame. Et toi aussi, au Tchénache, tu n'es chevi jamais vache. Ça m'a un petit génocide pour l'oloche de ici. Fino tous d'Istrebi. Après guerre, c'est Ramir. Mon yeux gras, c'est Rachis. La police, c'est Ratrice. En maison, bitch, on y suit. Tiennez, biti, rien à faire. Monsieur le président, petite loupe. Pépédère, maintenant au Péva Sud, Péva Tchemou, il sévère. Monsieur le président, petite loupe Pépédère. Complexe Moudaga, son vrou, pose vos clochards, rien à faire. Kadi, vichme, j'y vais, d'un épice fait, j'y vais, il sait qu'on a crichqué, j'y vais. Kadi, vichme, j'y vais, d'un épice fait, j'y vais, il sait qu'on a crichqué, j'y vais. Kadi, vichme, j'y vais, d'un épice fait, j'y vais, il sait qu'on a crichqué, j'y vais. Kadi, vichme, j'y vais, d'un épice fait, j'y vais, il sait qu'on a crichqué, j'y vais.